spectacle. Spectacle, spectacle. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. David Ferron demandera l'addition, mais recevra plutôt les notes salées. Et Alexandre Carignan nous ouvrira encore une fois sa boîte à musique. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 29 septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Quelle journée grise et maussade. Mais non, je nous ai fait un beau petit décor automnal. J'ai rentré des feuilles, des rames. Je sais que t'aimes ça, les rames. Oui, j'adore les rames. Il y en a une que j'ai mis là, dans la lampe. Puis devant nous, dans notre champ de vision. Je me suis toujours demandé comment ça fait quand tu lèches une feuille d'érable, ça goûte pas l'érable. Hein? Parce que c'est la sève qui goûte l'érable. Il me semble que c'est une opportunité ratée, ça. Ben oui. Écoute. Non, mais c'est parce qu'il n'y aurait plus de feuilles dans les arbres. Non. Je serais tout le temps dehors, je n'allumerais plus l'émission. Mais étonnamment, tu ferais de l'exercice, tu grimperais dans les arbres. Ben voilà, ça serait du bon. Bon. Mm-hmm. T'as passé une belle fin de semaine, Stéphanie Paradis? Oui, Mathieu Plante. Mm-hmm. J'ai profité de la parenthèse qu'on a eue en fin de semaine. Il faisait beau. Oui, c'est vrai. Étrangement, dans les 30 degrés, genre, je sais pas quoi. Ouais, fait que c'était vraiment comme du jour au lendemain, ça, il fait beau, puis du jour au lendemain, il fait automne. Ben, c'est ça. C'était l'été des Indiens, mais heureusement, sans Julie Snyder. Ah, oh, malheureusement. Une chance. sinon, je suis allé au théâtre de Minot hier. C'était théâtre expérimental. T'es sorti de chez vous? Oui, un dimanche soir de préparation à l'émission. Je suis rebelle, fuck les règles, comme on dit. non, c'était super le fun. Ouais, t'as aimé ton expérience? Oui, on en parlera avec Myriam Lortie demain à l'émission, mais c'était bien le fun. Ben oui. Ouais. Voilà pour notre fin de semaine. Là, on est lundi, hein, c'est là que la semaine commence. Et aujourd'hui à l'émission, comme à tous les lundis, on va voir David Ferron à 8h pour sa chronique Les notes salées. Mm-hmm. Je sais pas encore de quoi il nous parle. D'habitude, il nous envoie ça à l'avance. Oh, il y aurait peut-être trop fêté. Je pense que c'était son anniversaire. Ça veut-tu dire qu'il ne sera pas là? On ne sait pas. et on va faire aussi à 9h la chronique d'Alexandra Carignan, la boîte à musique. Et voilà. Autour de ça, nos chroniques maison. D'habitude, le lundi, c'est site un fait. Et aujourd'hui, on va avoir la place, étant donné qu'Anne-Marie Gauthier n'est pas là, pour faire le bloc pub. Yeah! Oh! C'est vraiment longtemps qu'on l'a pas fait. Mais vraiment? Ouais. Mais on commence en musique. Voici P.S. I Love You. In My Mind, at least. Sur ces fous. I was supposed to do. my mind at least. P.S. I love you. P.S. I love you. Gros câlin, gros bisous. Ah, c'est bon. J'écoutais Canal Famille 2.0 hier sur Ustream. C'est une nouvelle chaîne qui diffuse juste le dimanche soir des émissions de Canal Famille pour pendant vrai? Comme quelques heures. C'est pas la Rutabaga. Ben, je l'ai pas écouté physiquement présent parce que j'étais à l'impôt. Mais ça passe, mais, là? Ça passe les dimanches soirs sur Ustream. Bref. Mais voyons donc. Canal Famille 2.0. Ce qui nous amène... Oh, ça, c'est vrai, c'est un fait. It's, oui. It's true, you know. Puis pour vrai. C'est vrai pour vrai. C'est vrai pour vrai. C'est un fait, comme on pourrait dire maintenant. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, selon Internet, bien sûr. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a un petit bloc thématique sur les sports et tout ce qui s'y rattache pour commencer. Étrange. Tu vas nous instruire sur les sports, Mathieu? C'est pas mon genre, mais pas des sports mainstream. On parlera pas ben de l'affaire très, très... Tu vas nous parler du croquet. Le croquet? Non, on commence par le ping-pong. Ah, ouais, c'est bon. Ping-ping et pong-pong, ça, c'est la version asiatique. Son de ping-pong, ping-pong, ping-pong. Canal Famille, non? Moi, oui, je connais ping-pong. Donc, vous avez jamais vraiment joué au sport du ping-pong? Toi, Steph, t'as jamais joué au ping-pong? Non. Non, pas vraiment, non. Ben, parce que ça n'existe pas, hein? C'est le nom de la compagnie qui fabrique et qui vend des équipements de tennis de table, qui est le vrai nom du ping-pong. Ben oui, ben oui. Ben oui. Donc, le tennis de table est, à ses origines, à quelque part à l'époque médiévale, au 12e siècle, après J.C. Lauzon. Dans son nom, on appelait ça le Royal Tennis. Dans les années 1880, le sport est resté populaire chez les classes supérieures de l'Angleterre. La première utilisation officielle du terme de tennis de table était en 1890, lorsque David Foster a fait breveter en Angleterre une version de table du tennis sur terrain normand, du cricket et du football. Hey, j'ai parlé de croquet tantôt, j'étais pas loin. À tes souhaits, Mathieu. Oui, oui, à tes souhaits. Ça n'est jamais en onde, ça. Jamais, jamais. C'est, non. Ça m'est, je pense, jamais arrivé. Une fois en 738 émissions. C'est quelque chose. Est-ce qu'il en reste un autre? D'habitude, deux, c'est trois. T'sais. Ah ouais, toi, c'est trois? Attends un peu. Oui, il y en a un autre. Mais mets ton doigt sur ton nez. Faut-tu mettre ton doigt sur ton nez? Ah, ça se peut. Moi, ça marche. Si tu me vois mettre mon doigt sur mon nez, c'est pas que je vais éternuer. OK. Parce que tu sais qu'il faut pas éternuer par en dedans, parce qu'apparemment, qu'est-ce comme un accident de chant dans ta tête, dirait Normand Bratois était à SNL Québec la semaine passée. Non, non, mais. Que j'ai gardé cette semaine que je t'en prends. Hein? Si tu mets ton doigt sur ton nez, là. Ouais. On dirait que ça, c'est comme un piton semi-off, là. OK. C'est comme un ralenti, fait que là, tu peux contrôler. un bouton de veille. À peu près, oui. Donc, John Jacques a enregistré le terme ping-pong. Comme dans Pierre-Jean-Jacques. Comme dans Pierre-Jean-Jacques. A enregistré le terme ping-pong en Angleterre en 1901. Le nom a ensuite été vendu à Parker Brothers aux États-Unis. Après ça, dans une période d'une semaine en 1901, la Table Tennis Association et la Ping Pong Association s'étaient formées. Donc, il y a eu une rivalité entre les deux noms. Le tennis de table est devenu un sport olympique à Séoul, en Corée du Sud, aux Jeux Olympiques de 1988. 88. Au pire, hein? Donc, toi, t'aimes pas le tennis de table, là? Moi, je suis plus ping-pong. Plus ping-pong? Oh, bon, voilà. Ben, c'est dit, hein. C'est dit. Ensuite, les médaillés d'argent aux Olympiques, en moyenne, se sentent moins bien que les médaillés de bronze. Je peux comprendre. Pourquoi théorie? Théorise-moi ça. Ben, quand t'as la médaille de bronze, c'est comme, oh, fiu, je suis arrivé sur le podium de justesse. Mm-hmm. Je m'attendais à pas avoir de médaille. Je suis vraiment fière. Alors que quand t'as la médaille d'argent, c'est comme... Calvaire! Je suis passé tellement proche de ta médaille d'or, ça fait que là, c'est comme frustrant. Ben, c'est exactement ça, Steph. C'est ouais? exactement ça, selon une étude. Sur les expressions faciales des médaillés olympiques qui nous apprend donc que les médaillés d'argent se sentent moins bien que les médaillés de bronze. Pour l'étude, une équipe de psychologistes a demandé à des volontaires qui étaient ignorants, donc des bénévoles, qui étaient ignorants par rapport à la position des médailles et des athlètes qu'ils voyaient. Ils leur ont demandé à ces gens-là de coter leurs expressions faciales. Ils ont appris que les médaillés de bronze constamment étaient beaucoup moins heureux que les médaillés argentés. Attends un peu. C'est l'inverse. Plus heureux, voilà. Donc, ça, c'était après avoir appris leur placement sur le podium et une fois arrivé sur le podium. Donc, la raison logique, c'est comme tu l'as dit, les médaillés argentés hein, ont l'impression qu'ils auraient pu gagner l'or, alors que ceux qui ont le bronze se sentent chanceux d'au moins avoir eu une médaille. Les psychologues disent que c'est du counterfactual thinking, donc penser contre les faits. si on veut. Donc ensuite, une autre compétition montrait que les athlètes, donc c'est un autre, suivi psychologique qui nous apprend, que les athlètes qui ont gagné l'argent utilisaient des phrases comme « j'ai presque 3 points », hein, concentrant leur réponse sur le fait qu'ils avaient manqué l'or. Et les médaillés de bronze, de l'autre côté, contemplaient plus l'idée d'avoir, d'être passé proche, de manquer complètement de médailles. De pas avoir du tout. Donc c'était plus comme ça qu'ils formulaient leurs phrases. Mais c'est la façon aussi que la compétition en général est faite. Si t'as des... quand c'est fait, t'as des semi-finales et ensuite tu t'en vas en finale. Dans le fond, tu sais beaucoup plus à l'avance qui gagne la médaille de bronze. Donc déjà, si lui n'est pas allé en finale, quand t'es en finale, c'est parce que là, tu compétitionnes vraiment pour savoir tu vas-tu avoir l'or ou tu te contentes de l'argent. Alors que le bronze, tu le sais avant. Tu t'as comme perdu une fois, t'es comme « OK, mais je me rends là ouais. ». Tu comprends? Oui. Donc... Ouais. On reste en sport. Monsieur Dean Karnazes, hein? Dean Karnazes, est-ce que t'es rapide toi, sur la conversion sur Google? La conversion? La conversion comme, mettons, convert des miles en kilomètres, mettons. Es-tu rapide là-dessus, tu vois? On va essayer. Donc, c'est l'ultra-marathon de Badwater qui se décrit comme la course à pied la plus difficile du monde. C'est une course qui dure 135 000. Oui, mais il veut pas l'écrire. Dans mon temps, on faisait ça à pied dans la neige. Pour se rendre à l'école. 135 000. 217 km. Voilà. Qui démarre okay, à un niveau à 282 pieds en dessous du niveau. Ah ben là, je suis en 1000. Je peux pas te donner des pieds. Là. Ah ben, Colin, c'est pas facile. Mais bref, ça commence à 282 pieds sous le niveau de l'eau dans le Badwater Basin dans la Death Valley en Californie. Et ça se termine à une élévation de 8360 pieds. OK, mais ils sont pas dans l'eau, là. Ben non. J'étais comme, c'est quoi cette course de fou là? Donc, je te demandais si t'étais rapide. Non, t'es pas très vite. Il nage en premier. Oh, j'étais concentré là. Donc, ça commence à 282 pieds en dessous de l'eau et ça finit à 8360 pieds au sommet de Whitney Portal. Mais qu'il faut pour voler dans les airs? Ils ont-tu pogné la casquette dans Mario 64? Donc, c'est quand même assez intimidant, mais ça n'a pas empêché M. Dean Karnazes de se placer dans le top 10 six fois. Une de ces fois-là, il a gagné complètement. La course qu'il a gagnée était en 2004 et les températures remontaient à au-dessus de 120 degrés Fahrenheit. Je te demanderai pas de convertir ça, mais 120 degrés Fahrenheit. Une des choses qu'il a réussi dans sa vie, c'est de courir 50 marathons dans 50 États en 50 jours. Wow! Mm-hmm. Il pouvait pas courir tous ces marathons-là parce que, bon, il y a des courses qui ont lieu la fin de semaine, puis il y a des courses qui sont des jours spécifiques, puis à un moment donné, tu peux pas toutes les timer en même temps par rapport aux états et aux voyages qu'il faut que tu fasses. Mais quand même, il a fait le chemin que chacune de ces courses-là propose. Donc, il les a fait les 50, même s'il n'y avait pas lieu en ce moment-là. Okay? Il a terminé avec le marathon de New York, la date du marathon de New York. Il a décidé qu'il allait ensuite courir jusqu'à sa maison de San Francisco de l'autre côté des États-Unis. Okay. Franchement. Mais il s'est rendu seulement jusqu'au Missouri parce qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille. Non pas parce que c'est un maudit lâche. On va se le dire. D'ailleurs, monsieur, c'est Karnazes ou Karnazes? C'est Karnazes. Donc, qui a commencé à courir pour le plaisir quand il était à la garderie. Hein? Donc, il courait de la maison à l'école, etc., ou le contraire, parce qu'il aimait bien ça. Après avoir pris une pause de 15 ans, parce qu'il s'était chicané avec son coach au secondaire, il a recommencé à courir pour son 30e anniversaire. Il a complété une course de 30 000 de distance en sous-vêtements, avec des vieux souliers avec lesquels genre, il passait à tondeuse ou qu'il faisait des travaux ménagers. Quoi, c'est de chicaner? Je sais pas, il était chez sa maîtresse, puis là, le mari de sa maîtresse est arrivé, puis là, il est parti... En bobette. Stéphanie, cette fois, c'est la bonne. Je te laisse. Référence à une pub d'assemblage Ricky. Connais-tu le foot golf? Le quoi? Le foot golf. Non, ça, c'est du monde qui avait rien à faire ou qui avait la moitié d'équipement de chacun des sports. Ça ressemble étrangement à ça, en fait. C'est la plus récente variation du golf. Hein? Après d'autres sports comme le frisbee golf, qui existe depuis quelques temps. Oui, ben ça, c'est le fun. Ça a l'air le fun, mais celui-là, je pense que tu vas l'aimer aussi, le foot golf. Apparemment, ça existe depuis très, très longtemps, selon l'American Foot Golf League. Dans ce jeu-là, tu vas jouer au golf avec un ballon de soccer. Presque exactement comme du golf normal, avec une plus grande échelle. Donc, les trous sont plus gros. J'imagine. Pour faire rentrer les ballons de soccer, on se comprend. Le jeu est maintenant dans 30 pays. Et chacun a de petites variations sur les règles. Certains pays ont même des obstacles sur le chemin. Des clowns. Ah, ça serait pas pire comme du mini-pop-pop. Ouais. En 2012, le premier championnat mondial de foot golf a eu lieu en Hongrie. Si vous voulez plus proche jouer au foot golf, il y a une version à Las Vegas, terrain complet de foot golf. Ah! C'est le plus près qu'on peut, j'imagine, le faire. Mais là, il commence à y avoir du Ultimate Frisbee ici même à l'UQTR. Donc peut-être qu'un jour, on aura du foot golf avec retard, peut-être comme toujours. À trois un heures, jour. Oui. Oh, ça peut être long, là. Ça peut être long. C'est long d'étendre un sport, là. On s'entend. C'est ça. Une mode, c'est dur à partir. Et mais... Ensuite, est-ce que t'as... Là, on a fini avec les sports. En passant, on change de sujet. Est-ce que t'as 260 000 $ à me prêter? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vais sortir mon petit champ. Parce qu'à travers l'histoire, il y a plusieurs silos à missiles qui ont été construits dans le monde. Et ces bâtisses-là servaient à tester des nouvelles technologies et améliorer l'autodéfense des pays. Lorsqu'un silo était fermé, donc decommissioned, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il arrêtait de servir, plusieurs restaient là, tout seuls, à rien faire, ou encore étaient démolis. Par contre, il y a une nouvelle compagnie qui vend des vieux silos à missiles à ceux qui peuvent se le permettre, comme toi maintenant, on a appris. Donc, 20th Century Castles LLC, basé dans un silo décommissionné dans le Kansas, est spécialisé dans l'achat et la vente d'anciens sites de missiles et de bunkers de communication. Jusqu'à maintenant, ils ont fait plus de 50 ventes. Pour moins de 300 000 $ les personnes qui aiment les silos à missiles peuvent être propriétaires de leur propre site dans le Kansas, l'Indiana, le Maine ou l'Ohio. La première place pour lancer des missiles... a été érigé par les forces nazies en 1943. C'est localisé à La Coupole et le site était fait pour emmagasiner ou contenir du gaz et des warheads, là, des types de missiles. Genre. Mm-hmm. C'était à ça que ça servait. 260 000 $. Puis tu fais quoi avec ça, genre? Des raves. Ah ouais. Quelque chose de genre. Je sais pas, un écran géant. C'est le côté avec un projecteur. Ah ouais. Les gens qui ont écrit, si on a déjà parlé de ce fait-là en bref précédemment, les gens qui ont écrit « Take me out to the ball game » n'étaient jamais allés voir une partie de baseball avant de l'écrire. Tu te rappelles de ce fait-là? Mm-hmm. Ben maintenant, on a des détails. C'était écrit en 1908 par Jack Norworth et Albert Von Tilzer. Malgré l'incroyable popularité de la chanson, les deux écrivains n'étaient jamais allés voir le parti de baseball avant d'écrire ce jingle célèbre. Je peux comprendre. S'il y était allé, il aurait trouvé ça assez plate. Il aurait jamais parlé de ce sport-là. Et donc, l'idée pour cette chanson-là est venue de Jack Norworth, qui se promenait en fait dans un métro. Mm-hmm. Il faisait une petite balade en métro. Il y avait une pancarte qui lisait, ou qui disait « Baseball Today Polo Grounds ». Donc, la chanson a été enregistrée, on en a parlé, on l'a chantée plusieurs fois depuis qu'elle a été écrite il y a plus de 100 ans. Mais la version originale de 1908 est tellement connue que les paroles sont maintenant public domain, donc du domaine public. Mais la version réécrite en 1927 est toujours sous copyright, donc vous pouvez la chanter quand vous le voulez. Mais voilà, donc c'est grâce à une balade en métro, baseball aujourd'hui, qu'il a écrit cette chanson. Eh ben, bizarre quand même. Pas pire, hein? Ensuite, la Tour Eiffel, savais-tu qu'elle fait 6 pouces de plus l'été que l'hiver? Ben non, je n'aurais pas pu te dire la hauteur. C'est comme un demi, sûrement. Donc, c'est parce que là... Ben, demi, moi, c'est ça que je mange, 6 pouces. Juste, c'est comme un sous-marin complet pour toi, dans le fond. Oui, oui, oui. Et ben, donc, c'est à cause de l'expansion et de la contraction de l'acier. Mm-hmm. Bien sûr, donc étant donné le fait que la Tour Eiffel a été construite avec de l'acier, ça voulait dire que les ingénieurs ont dû penser à ça et ils l'ont fait. Il n'y a pas eu d'erreur là-dessus, donc ils ont pris ça en compte lors de la construction de la Tour Eiffel, qui a fait 6 pouces de plus l'été que l'hiver. Bel job! Ben, donc, si on est paresseux qu'on va aller le monter, on est peut-être mieux d'y aller l'hiver. Ah, ben voilà. Et si je mange un sous-marin, je vais manger un l'été pour que ce soit plus gros? C'est pas fait en acier. Hein? Non. Malheureusement. Est-ce qu'on peut faire un sous-marin en acier pour que ce soit plus gros l'été? Ça se peut, tu te casses une dent. Ça se pourrait, mais quand est-ce qu'ils vont m'écouter de faire des 9 pouces, hein, comme chez l'autre sous-marin shop? Hein? C'est ça qui... C'est vrai que ça serait une bonne idée, mais ça doit être compliqué à gérer les pains. Il faudrait qu'ils fassent des sous-marins de 3 pouces pour qu'on vende les autres petits bouts de pain. J'avoue. Mais ils font des petites bouchées, des à côté, des entrées. Ben oui. C'est vrai, ils pourraient les utiliser pour ça. 3 pouces pour les enfants. Non, mais pour les plateaux traiteurs aussi. Oh, monsieur, les plateaux traiteurs, on s'est entendu que personne ne va acheter ça. Qui veut manger ce que tous les autres ont touché dans les sous-marins? Hein? Ça se tient pas, ces sous-marins-là, même quand t'en prends un juste pour toi. Imagine. Mais quand non, mais c'est des mini-bouts. Pour un traiteur? C'est des petits morceaux. Ah, ben oui. Je savais pas ça. Eh ben. Voyons. Tu pensais que ça avait l'air de quoi? Je pensais que c'était comme plusieurs très très longs. Ah, mais tabou. Tu peux prendre un énorme sous-marin, mais tu peux avoir plein de petits morceaux de toutes les saveurs que tu veux. Ah, ouais. Mais oui. D'accord, c'est un fait, comme on dit. Ouais. Les arbres Ginkgo biloba. On connaît le nom Ginkgo biloba dans les produits qui donnent l'énergie. Puis ça fait bon. Donc, le Ginkgo biloba, il y a un arbre qui a survécu à Hiroshima. Très, très proche. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un arbre qui était à moins de 2000 et demi. 2,5 2,5 ouais. 40,23 km. Merci beaucoup. Ah ouais? Ah non, t'as peu. Ça me c'est beaucoup pour 2000, là. Ah non, mais c'est parce qu'il m'a mis 25. Il prend pas les virgules. De prendre un point. 3,2. C'est ça, 3,2 km, donc, de l'explosion d'Hiroshima. Et il est toujours là aujourd'hui. Après avoir été frappé par cette explosion nucléaire, bon, il y a un petit peu de... C'était calciné un petit peu, brûlé par moment, par bout. Mais il s'en est bientôt remis. Il est en santé depuis. Donc, contrairement à la croyance populaire, ces arbres-là n'ont aucun signe de déformation. Aucun du tout. Et n'ont jamais... Attends un peu. Et en ont jamais eu. Même après avoir été examiné par des scientifiques, on a prouvé qu'il n'y avait pas de déformation dans ces arbres-là. À moins d'un mille de l'origine de l'explosion, il y a une plaque dans un jardin... 1,6 km. Merci beaucoup. Qui commémore le tout et qui dit, je cite, « Après avoir fait tomber la bombe, presque tous les arbres géants du jardin ont été brûlés. Ce ginkgo est un des arbres qui a survécu. Sa circonférence est de 4 mètres. Girth, 4 mètres, 17 mètres. 4,17 mètres? Peut-être 4,17 mètres. Quoi ça? Ça dit 4m,17m, j'ai quand même un petit peu de difficulté à comprendre ce que ça veut dire. Je comprends pas. Je vais dire 4,17 mètres. Je sais pas. Âge environ 200 ans. L'arbre a tombé un petit peu à cause de l'explosion. Ils l'ont arrangé pour l'empêcher qu'il puisse tomber plus que ça. Bref, un temple a aussi été construit autour d'un des arbres survivants avec une plaque qui dit plus, No More Hiroshima, donc plus d'Hiroshima dessus. Et puis on dit que c'est une place où les gens vont prier. C'est un symbole international aussi. Ouais. Ben c'est beau. Oui. Félicitations, petit arbre. Oui. Ginkgo. Ça m'impressionne. Je crois qu'Hiroshima, c'était en Chine, hein? Hiroshima, c'est au Japon. Au Japon. Ah, tu vois, j'étais proche. Parce que je me demandais si je devais dire on s'en va en Chine ou on reste en Chine. Fait que finalement, on s'en va en Chine. On s'en va en Chine. Tu vois, moi, la géographie, hein? Non, mais comment, c'est une question d'histoire, là, de Deuxième Guerre mondiale, puis tout. C'est les deux. Et les deux, je suis poche, hein? Voilà. Donc, allons-y maintenant en Chine, hein, avec un produit qu'on trouve complètement chinois. Si je te demande des bâtons, des baguettes chinoises, ça vient de quel pays, tu vas me dire? Ben, c'est sûr que si tu précises chinois, ça doit être en Chine. Ben non. Est-ce qu'il y a des baguettes japonaises aussi? Ouais, peut-être, mais bon, non. Mais non, la plupart maintenant, on a une étiquette qui dit fabriqué aux États-Unis, Steph. Ah non, mais je sais, mais c'est toi qui as dit chinoise, là. Je veux dire, en Chine, ils devaient faire leur propre baguette, là. Je peux pas croire que c'est les États-Unis qui ont inventé ça, là. Non, c'est pas eux qui l'ont inventé du tout. En fait, parlons-en. Moi, sur les baguettes qu'ils donnent dans un restaurant quelconque, de sushi, c'est écrit dessus. Ah, je m'en souviens pas. C'est genre Japanese food, Canadian Japanese food. Made in USA, une affaire de même. Made in China. Made in Shandai. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, t'as comme trois nationalités d'écriture. Wow. Une affaire de même. T'es vraiment comme super international. Ouais, les baguettes. Des baguettes. Les baguettes le sont. Bref, donc un produit qu'on penserait chinois, en fait, est utilisé dans la Chine par des millions de personnes par jour. Maintenant, on l'étiquette fabriqué aux États-Unis. Dans l'État du Sud-Est, là, en Géorgie, hein, il y a une petite compagnie qui produit des bâtonnets, des baguettes chinoises, et les envoie en Chine et dans d'autres pays. En fait, ils fabriquent environ 2 millions de paires de baguettes chinoises par jour et augmentent la production avec le temps. La Chine qui apparemment manque de bois. Mais le bois est quelque chose que cette ville américaine de Americus, où Georgia Chopsticks est située, ne manque pas de ce bois-là. Donc le sweet gum et le poplar. Ça pousse super vite et super bien là-bas, en Géorgie. Ils sont apparemment parfaits pour les bâtonnets, les baguettes, parce que le bois est pliable, droit et a une couleur plaisante. Donc, Georgia Chopsticks, comparé ou contrairement à ses collègues chinois, dans le fond, on n'a pas à mettre de javelisant pour pâlir le bois. Pas besoin de produits chimiques, ce qui est encore plus attirant pour les clients qui aiment leur santé, finalement. Parce que comme ça, t'as pas de javelisant. C'est pas une bonne chose, javelisant dans du bois. Hein. Donc, lorsque Georgia Chopsticks a ouvert Ils ont employé 57 personnes. On espère augmenter la production et envoyer plus employer plus de gens, pardon. Parce qu'en Géorgie, il y avait un taux de 12% de chômage en 2011. C'est quand même drôle que les Chinois fassent faire leurs baguettes aux États-Unis alors qu'on fait tout faire en Chine. C'est ça. C'est l'ironie de la chose, ouais. Je pense. Ou l'équilibrium, ou la houppe. Ou la houppe. Et pour terminer, on reste en Chine. Ah ouais? Hein? Là, ça fonctionne, tu vois. C'était là qu'il fallait que je mette ça. T'sais. On reste en Chine. Si la Chine suivait les règles, tu sais, moi, comme je dis fuck les règles en ce moment. Ouais. La Chine, elle, non. Ben, en fait, eux autres aussi, ils disent fuck les règles. Vous allez comprendre. Donc, la Chine est un des plus gros pays du monde, hein? Donc, le troisième. Oui, mais c'est en superficie, en termes de population, je pense que c'est pas mal le numéro un. Bref, de l'océan Pacifique à l'est. Hein? Jusqu'à la région de l'Asie centrale, jusqu'à l'ouest de la Chine. Bref, il y a du plein de différentes superficies qui sont dans différents. Qui seraient supposées être dans différentes zones horaires. Si suivait les règles, il y aurait 5 zones horaires en Chine. Oui. On se comprend. Donc, Hong Kong, Macao et Taïwan sont ensemble avec le reste de la Chine et utilisent les mêmes zones horaires, la même zone horaire en fait. La Chine au complet est à 8 heures devant leur. Greenwich Mean Time, leur standard, finalement. Ah, l'heure de Greenwich. Greenwich en anglais, Greenwich. Greenwich en français. Je sais pas comment on dit ça en français. Greenwich, ben c'est ça. Parce qu'en anglais, on dit Greenwich. Ben, c'est-tu que je fasse? Ben, c'est-tu. Est-ce que je suis supposé me soucier de ça? Ah, je m'en sers. Donc, les Chinois n'observent pas non plus leur avancée, leur standard. Ils font pas ça. Fuck les règles. Donc, si vous vivez dans la zone comme nous, de l'heure de l'Est, en Amérique du Nord, la Chine est à 13 heures à l'avance, okay? Devant nous, 13 heures à l'avance. Si on vit dans l'Ouest canadien ou américain, donc on est à 3 heures à l'arrière par rapport à l'heure de l'Est, là, on est à 16 heures de la Chine. Okay? La plupart des gens au Royaume-Uni sont à 8 heures environ de la Chine, donc tu comprends. C'est nous qui devons nous adapter à l'heure de la Chine qui reste tout le temps la même. Ils suivent pas comme le reste du monde. C'est impressionnant. Donc, la Chine est passée à une seule zone horaire grâce aux communistes, ou à cause des communistes, pour promouvoir l'unité nationale. Ah. Ils ont décidé, non, on va pas suivre ça, le 5 zones horaires par pays, le wow. Wow, je dis wow. C'est trop compliqué. Ouais, sauf que ça doit être quand même fuckant avec le soleil, là. Je veux dire, quand t'es à une extrémité ou à l'autre, je veux dire, l'ensoleillement est pas le même, mais il est la même heure. Mais notre pays est uni. Ouais. Unité nationale. Justement, tiens, parlant d'unité nationale. Bon, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Ben, c'est ça, on s'en va entendre The Last International. Oh. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, en fait. Moi, je buzz un peu avec la pochette, là. Moi aussi. On n'a pas de feuille du palmarès, nulle part. Non. Bon, ben, on va jouer en première. Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood, tout ça. Ça, c'est fou. 89 points, fame! Still can't figure out why it remains the same. The Last International et Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood à Assemblage Requis. Autour, son foutu palmarès, entre autres. Et plus encore. Hey. À Assemblage Requis. Sur C'est fou. 89.1. Yeah. FM. Cool. T'as réussi. T'en avais un pour chaque affaire. Parfait. Fou de musique du monde. C'est fou, 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Stéphanie Paradis. Mathieu Plan. Steph est tout excité d'avoir sorti ce CD du truc de palmarès. On va garder ça pour tantôt, par contre, parce qu'on arrive d'une chanson. Mais c'est Orange Clock qui s'en vient dans quelques instants. Mais par contre, avant de retourner en musique, hein, parce qu'ici, le contenu prime, allons-y avec son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès, la chronique où on établit une liste sur un sujet précis. Oui. Mm-hmm. Et aujourd'hui, cette fois-ci, en fait, c'est une petite liste de termes qu'on utilise de façon générique. Oui. Ouais. De noms de marque. De noms de marque, oui, tout à fait. De noms de marque qu'on utilise comme terme générique de nos jours. Donc, c'est une petite liste. Frigidaire. Frigidaire est probablement là-dedans. On va voir, probablement, je dirais. Donc, plusieurs choses qu'on utilise tous les jours, comme des zippers, hein, des escalators, tu sais, les petits escaliers qui montent tout seul. Tout ça, ouais, à la base. Ça n'a pas de nom, ça. Ben, on est supposé avoir un escalier roulant. Un escalier roulant, exactement. Ah, c'est poche, là, ça roule pas, là. Non, ben c'est ça, c'est traite, ces histoires-là, c'est traite. Donc, des noms qui avaient des marques de commerce avant, mais qu'on utilise maintenant pour décrire n'importe quel produit dans une catégorie. Par exemple, jet ski. Pour vrai, c'est une marque? Ben oui, tu pourrais penser que tu te promènes en jet ski, mais c'est pas fabriqué par Kawasaki Heavy Industries. Ben, c'est juste un véhicule qui va sur l'eau. Ah! Ben ouais. L'emballage bulle Bubble Wrap, hein, qui est probablement c'est la plus grande contribution fabriquée ou amenée dans notre société par Sealed Air Corporation, qui ont donc breveté le nom et sous copyright Bubble Wrap. Hey, puis l'image qu'ils ont mis, on dirait l'image du jeu sur la Roku. C'est vrai? Ou oui, ben c'est peut-être même la photo qu'ils ont. C'est sûrement le premier résultat dans Google Images. Genre, mais bon. Ça, il y a sûrement un copyright là-dessus, puis ils s'en servent pas. Hein. Ensuite, tu sais, les pyjamas en un seul morceau, les onesies. Ouais. Tu connais les One Size? One Size, inventé par Gerber Children's Wear. Cette marque-là, et même, ils vont se battre contre ceux qui se servent du mot onesies dans les autres pyjamas. Moi, j'aurais prononcé ça onesis. Onesis, c'est comme iTunes pour iTunes. Ensuite, jacuzzi. Ah, oh, c'est une marque! Je me demandais c'était quoi la différence entre un jacuzzi puis un spa. Dans le fond, c'est la même marque. Chose. Jacuzzi, en fait, fabrique aussi des matelas et des toilettes. Hein? C'est dans mon jacuzzi. J'ai de la place en masse dans mon jacuzzi. C'est une toilette! Ouh. Puis après ça, qu'est-ce qu'on s'en va faire? Ça va sur le matelas? Oh oui! Ensuite, le croque-pot, Steph. Oui, ça, je savais. Bon, ben voilà, tu vois, le crockpot qui est un nom de marque pour un slow cooker, donc un truc... Une mijoteuse. Originellement développé je sais pas ce que ça veut dire, beanery. Ben, une binerie. Une binerie, ben c'était fait pour une quelqu'un binerie. Quelqu'un qui font des vines. Parfait. Ensuite, tiens, passons à un chien guide Seeing Eye Dog en anglais. Techniquement, c'est seulement un Seeing Eye Dog s'il est entraîné par Seeing Eye à Morristown dans New Jersey. Sinon, c'est juste un chien guide. Ah ouais? J'aurais jamais pensé. Hein? Ensuite, le Breathalyzer, qui est une propriété de Indiana University Foundation. C'est le truc qui dit c'est sous. Pas l'université, le Breathalyzer. Donc, en 1931, un professeur de l'université de l'Indiana, Rolla N. Harger, a créé cet appareil-là qu'on appelait à l'origine le Drunkometer, le soulomètre, toi, pour tester la sobriété des conducteurs, des chauffeurs. Donc, on respirait dans un ballon spécial et l'appareil te disait comment t'avais bu. Finalement. Ah, c'est pour ça la ballonne. C'est pour ça qu'on appelle ça la ballonne, exactement. Donc, en 1936, Harger a breveté sa création et éventuellement a signé l'invention. L'a vendu, ben, en fait, là, je ne sais pas si c'est transféré à l'Université de l'Indiana. Ensuite, la Zamboni. Oui. Oui, la Zamboni, donc la surfaceuse, qu'on appelle, je exactement. Pense, a été nommée en honneur de son inventeur, Frank Zamboni. C'est drôle, ça plaît Zamboni. Je trouve ça sympathique. Ben oui, c'est ouais, comme Monsieur Sandwich. Ensuite, le chapstick. Un peu l'équivalent du lipside. Ben voilà, exactement, qu'on se met sur les lèvres lorsque c'est sec. Là. Donc, chapstick, c'est un nom de marque de baume à lèvres produit par Pfizer. Oui, les mêmes que le... C'est Viagra, Pfizer, je pense. Je pense que oui. Oui. Donc, si vous aimez trop ce produit-là, il y a des sites dédiés aux accros du chapstick. Allez voir sur assemblagerequis.com. Je connaissais même pas la marque chapstick avant d'entendre la toune de Katy Perry. Ah, oh boy. Je connaissais pas ça du chapstick. Non? Non. On appelle ça vraiment du lipside, juste lipside. Moi, c'était lipside. Moi, de chapstick, je connaissais pas ça. Bon. Tu connais les Kleenex, par contre, hein? Ben oui! Ça, je pense que t'as pas le choix de faire une liste de mots, de noms de marques utilisés de façon générique sans mettre... Tu peux pas oublier Kleenex. Non, il y a Kleenex. Il y en a quelques-uns là, qui sont nécessaires. Quand même. Donc, c'est un nom de marque pour un mouchoir, souvent qu'on appelle facial tissue, donc un mouchoir facial. Hein? Tu à face. C'est exactement ça. Donc voilà. Ensuite, le ping-pong, on a parlé tantôt. Hey, quel hasard! Incroyable hasard. Donc, ping-pong qui a été mis en, sous marque de commerce en 1901. C'est une marque de produits de tennis sur table nommée en l'honneur du son que la balle fait quand elle frappe la table. Parce qu'elle fait ping. Ping-pong. Pong. Ping-pong. Ping. Le Popsicle qui est une marque de Unilever, les mêmes que le savon, toi. Ah oui? C'est vrai, Popsicle, comme bien d'autres choses dans la vie, le Popsicle a été inventé par accident. On a déjà parlé un petit peu de ça à l'émission, mais l'histoire ouais, dit que... Oui, c'était un enfant. Un enfant, un c'est ça. Ans, genre. Un soir d'hiver en 1905, il avait eu 11 ans, en fait, il était proche. Oh, Frank Epperson, qui laissait un mélange de soda, donc de boissons gazeuses et d'eau, avec un bâton sur sa galerie. Presque 20 ans plus tard, Frank a commencé à vendre ses créations dans un petit kiosque de limonade, et c'est populaire depuis ce temps-là. Même qu'on avait dit que c'était Popsicle pour Pops Icicle, comme papa, le icicle ouais, de papa, ouais. Le glaçon de papa. Bref, aujourd'hui, Unilever recommande à ce qu'on fasse, à ce qu'on appelle les Pops qui sont gelés, donc génériques, qu'on les appelle des Pops, des Ice Pops ou des Freezer Pops. Des sucettes glacées. Des sucettes glacées et non pas des Popsicle, qui est la marque de commerce de Unilever. Je trouve pas qu'ils ont l'air... terriblement bon. Pour celui du milieu, principalement, je trouve, voilà, ouais, vraiment génial. C'est comme torsadé. Ouais, vert et blanc. Ouais. Genre de vert plus pâle, je pense, que plus que blanc. Sinon, c'est très intéressant d'avoir une branche verte, une branche orange, mais que le dessus soit comme mauve. Ben, moi, ben oui, peut-être que c'est mauve. Moi, j'avais l'impression que c'était trempé en chocolat, le sommet du Popsicle. Ah, peut-être pas, hein? Je pense pas, non. Parce que c'est ça, comme tu dis, ça commence comme si c'était deux Pops, mais au sommet, c'est juste une seule couleur. C'est bizarre. Bizarre. Je pense pas. Ensuite, toujours dans la liste des noms de marques qu'on utilise de façon générique, le prochain, c'est Q-Tips. Oui, ben c'est oui. La seule marque à acheter. Lorsque c'est sorti à l'origine, oui, les autres sont vraiment pas yarbans. Non, non, non. T'as tout le temps soit le bâton qui plie ou un sur deux qui a pas de mousse. Ben oui, on dirait qu'ils sont faits par rapport, ça plie tout le temps. Gna, gna, gna. C'est un petit commentaire que je donne contre les gens qui parlent contre les iPhones qui plient en ce moment. Tous des marrons. Donc, les Q-tips, lorsqu'ils sont sortis à l'origine, s'appelaient des Baby Gaze. Ça, on a déjà parlé de ça à l'émission, mais le nom est changé, a été changé pour Q-tips. Le Q veut dire qualité. Ah! Donc, en 1926, qu'ils ont changé. Ça veut le dire nom. Que quand tu dis que t'as un gros cul, ça veut dire que t'es comme plein de qualité. Plein de qualité. Grosse qualité. C'est rembourré de qualité, comme on pourrait dire. Donc, la compagnie a changé de main plusieurs fois. En fait, pas la compagnie, mais plutôt le produit. C'est encore une fois Unilever qui est propriétaire de cette marque aujourd'hui. Oh, Popsicle, Q-tip. On se demande qu'est-ce qu'on choisit. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ensuite, les Rollerblades. Ben oui. Deux frères qui jouaient au hockey ont inventé les Rollerblades, les patins à roues alignées de fil et non pas un côte à côte. À partir d'une vieille paire de patins en 1979, de patins à roues... Non alignées, alors c'est bien dit. Donc, c'était la seule marque de patins à roues alignées jusqu'au milieu des années 80, où plusieurs autres compagnies ont commencé à faire la même chose. Donc, c'est normal que ça soit resté. Et voilà. Ensuite, le Scotch Tape. Ben oui. Qu'on va des fois appeler papier collant, des fois on va appeler ça du cellotape en Grande-Bretagne, entre autres. Ah ouais? Donc, Ils sont bizarres. C'est moins pire que les Français, mais quand même. Selon la légende, le Scotch Tape a mérité son nom lorsqu'un client frustré a dit au scientifique de 3M, la compagnie qu'on connaît tous et qu'on admire énormément, 3M, qui font les seuls produits collants comme les post-it. Toutes les autres marques sont pas capables de faire ça. C'est vrai. Hein? 3M, moi, je les adore. Ils ont dit aux scientifiques, lorsqu'un client, c'est ça, okay, on va recommencer, un client frustré a dit aux scientifiques de 3M de ramener ça à vos patrons chez Scotch pour leur dire de mettre plus d'adhésif dessus. Donc aujourd'hui, le Scotch Magic Tape est seulement fabriqué dans un seul endroit au monde, c'est Hutchinson dans le Minnesota. Donc, j'imagine que la compagnie s'appelait Scotch. Ramène ça à tes patrons chez Scotch et dis-leur de mettre plus d'adhésif dessus. Donc, on appelait ça Scotch Tape. J'imagine que la compagnie s'appelait Scotch et que le ruban s'appelait juste du ruban. Et c'est devenu Scotch. Ah. C'est ce que j'en comprends. Ensuite, le Sharpie. Un autre de mes produits préférés, moi, c'est tout ce qui est 3M et Sharpie, tu sais que je suis fan. Hein? Oh oui, puis t'écris tellement. Ben oui, c'est en ça. Plus. Même si je m'en sers pas, je peux aimer leur produit. Donc, les marqueurs permanents qui ont été inventés en 1956, mais le Sharpie, lui, n'a pas été présenté au public avant 1964. Et aujourd'hui, c'est son 50e anniversaire. Oh, Colin, faut que je m'en achète 50. Aujourd'hui, les produits sont presque synonymes de l'un avec l'autre, donc Sharpie veut dire marqueur permanent de nos jours. Ensuite, on a Tupperware, Steph, c'est pour toi celui-là. De moins en moins, je pense, mais quand même. Donc, Tupperware, qui est une marque qui a pris son nom du créateur, tu savais, toi, j'imagine, mais Earl Silas Tupper. Non. Tu sais pas ça? T'enseignes pas ça à l'école de Tupperware? Tu veux, ça me fasse. Sinon, c'est la première affaire que tu dis. Tupperware, pourquoi? Ben, parce que t'as peur, hein? T'as-tu peur? Tu veux que je te sorte un gag de Pérus? Vas-y, d'abord. Hey, je voulais savoir, je peux-tu mettre mes Tupperware, moi, là-dedans, dans la vaisselle? Ah non, non, ouais. Faut pas que tu mettes ça là-dedans, parce que tu risques de pas, ouais, tes Tupperware. J'aimais mieux la mienne. Mais c'est supposé être un gag mauvais dans... Ah, OK, c'est ouais, bon. Il rit de lui. Ben, c'est parfait, ça. Ensuite, Velcro. Ah ouais? Velcro, c'est un autre nom de marque qu'on utilise de façon générique. George de Mastriel a inventé le Velcro quand il a découvert que, ça parle de trucs qui étaient faits en forme de crochet qui se pognaient à la fourrure de son chien. C'est des chardons. Des chardons! Tu l'as dit. En Gaspésie, on appelle ça des tocs. Des tocs. Les troubles obsessifs compulsifs, là, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Quand ton chien en a, il se fait aller à la patte, il y a un toc. Donc, aujourd'hui, c'est la marque la plus connue de trucs à attacher en forme de crochet et de petites boucles. Ensuite, le Weed Eater, Steph. Weed Eater, le mangeur d'herbe. Le Weed Eater, qui est une propriété de Husqvarna Outdoor Products. Félicitations à eux. Le White Out, qu'on appelle des fois le Liquid Paper, mais le White Out en tant que tel, lui, est une marque déposée. Mais le Liquid Paper aussi, là. Aussi, tout à fait. Mais sur la liste, j'ai juste le White Out, donc je peux pas vous dire à qui appartient le Liquid Paper, malheureusement. Je sais pas. Mais bon, c'est ça, les ingrédients du White Out sont confidentiels en passant. C'est Bic qui est propriétaire de cette marque-là. Ensuite, les Band-Aids. Moi, j'appelle pas ça Band-Aids. Non. C'est ça, le plus en anglais. Plus en anglais, c'est ça. Sinon, c'est quoi? C'est un plaster. Un plaster. Non, moi, je dis un plaster. Une rustine. Quoi? Notre chroniqueuse du jeudi, Rustine Renault. Non? Eh boy. Donc, Johnson & Johnson fabrique ses rubans adhésifs. Ils font tout. Avec un petit peu de comment est-ce qu'on appelle ça? De la gauze, là, qu'on met dans le milieu. Comment on appelle ça en français? De la gauze? Ouais. Comment ça? Avant, on les fabriquait séparément. Jusqu'à ce que Earl Dixon ait l'idée de combiner les deux pour créer le Band-Aid pour sa femme qui faisait tout le temps, qui était victime d'accident. En fait, je sais pas si tu peux être victime d'accident quand c'est toi qui les cause. C'est plus... Ben, ça dépend. T'es gaffeux. Moi, c'est ça. C'est ça. Ensuite, le Taser. Ça aussi, on en a parlé fréquemment, mais Taser est une marque de commerce de Taser International et il ne devrait pas être utilisé comme un verbe. Genre, je vais te taser. Je vais te taser, ben exactement. En fait, ben, c'est mieux que de dire une arme électro-choquante quand même. Puis tu sais, à crier lorsque tu te fais tirer. Donc, TESU est un acronyme qui veut dire Thomas A. Swift's Electronic Rifle, l'arme électronique de Thomas A. Swift. Ensuite, le couteau exacto. Steph Knight. L'exacto. Le couteau exacto, oui. On appelle ça X trait d'union acto. Hein? Ça a commencé en 1917, le nom de la compagnie. C'est une compagnie médicale qui créait des seringues. Éventuellement, ils ont commencé à créer des scalpels chirurgicaux. Ça a évolué, c'est devenu des petits couteaux qu'on utilise pour les hobbies. Donc, Exacto est une marque et une division de la compagnie Elmer's, les mêmes que la colle. Ah! Elmer, on parle pas de la soupe de tomates. Non, ni de M. Elmer, comme on l'a déjà dit. Mais je trouve ça très, très beau, un vrai Exacto. Oui. Mon père, il y en avait un pareil. Tu sais, c'est vraiment un petit manche en métal avec vraiment une petite lame. On dirait une plume pour écrire... Parce qu'on s'entend que ce qu'on appelle exacto, la plupart du temps, c'est des gros trucs en plastique orange là, avec une grosse lame au bout. Qu'on pense que c'est de l'or en masse. Là, ouais. Ensuite, une grosse poubelle, un container à poubelle. Des fois, en anglais, on va appeler ça un dumpster. Ah, je sais pas. C'est pas une marque de pain non plus. De, ça, c'est Dempster, je pense. Je sais pas. Pas de pain congé chez vous. Hein? Toi, tu fais ton propre pain. Hein? Mais ceux qui font du pain congé vont me comprendre. Donc, Dempster, c'est un nom de marque. C'est vrai. Le mot est maintenant devenu générique. Et puis, la marque de commerce n'est pas vraiment enforcée par la compagnie. Donc, la APA a même abandonné toutes les recommandations de mettre une majuscule au mot. Le Dempster a pris son nom de Dempster Brothers Inc. qui ont combiné leur nom avec le mot « domper » pour créer le Dempster Dumpster. C'est ça que j'allais dire. En français, ça va, c'est « domper ». Domper. C'est l'équivalent. Pas mal, ça. En médecine, le Novocaine... C'est qui? C'est Dr. House? Novocaine. C'est Dr. House, hein? J'en ai aucune idée. Bref, donc Novocaine est le nom de marque de commerce de Procaine Hydrochloride, qui est une propriété de Hospira Inc. Ah. Mais ouais. Ça, je te dirais que les médicaments, on utilise très, très, très, très souvent les noms de marque. Ben oui, parce que le nom réel est souvent beaucoup trop compliqué. Ben, pas tant. Ben, il y en a qu'on connaît, là. Acétaminophène, ibuprofène, on les connaît, là. Mais ils restent longs. Ben, surtout acétaminophène. Ben, surtout. Pas tant. Pas tant. D'acétat. Donne-moi, est-ce que tu pourrais me donner une acétat, s'il te plaît? Un acétat. Ah, il y a encore des cours que vous avez avec acétat, j'ai entendu dire. Oui, ben oui. Xerox, c'est le prochain mot de la prochaine marque, en fait, qu'on utilise de façon générique. Xerox. Donc, Xerox qui essaie d'empêcher les gens d'utiliser le terme Xeroxing. En anglais, on dit ça pour faire des photocopies. Donc, on dit d'utiliser Xerox seulement comme adjectif. Ouais. Ouais. Et pour identifier nos produits et services. C'est donc une publicité de 2010. En fait, ça fait longtemps que je me demandais c'était quoi Xerox. Ben, vous me voilà en train de répondre à ta question sans même que tu l'aies demandé, Steph. Les post-it, ensuite. Ouais! Ben oui, tout le monde connaît les post-it, une marque de commerce de 3M, encore une fois, une de nos compagnies fétiches. Ouais. C'est évidemment Dr. Spencer Silver qui a inventé cet adhésif-là en 1968. Et le scientifique Art Fry a trouvé l'utilisation pratique de le mettre sur des papiers en 1974. Plusieurs années plus tard, les post-it étaient disponibles en vente sous le nom de Press and Peel au départ. Yeah. Appuyer et puis peler. Genre Press and Peel. ensuite, la célèbre planche de Ouija. Ah ben oui. Ouija, qu'en anglais on l'appelle Ouija et j'ai jamais compris pourquoi. C'est clairement un A à la fin, mais bon. Donc, la planche de Ouija a été introduite sur le marché par Elijah Bond en 1890. C'est une façon pratique de communiquer avec les esprits. L'article dit ça comme sérieusement, c'est le plus sérieusement du monde. Une façon pratique de communiquer avec les esprits. C'est beaucoup plus pratique là, de dealer avec des mais fantômes oui. Là, quand t'as une planche de Ouija. Aujourd'hui, c'est une marque de commerce de Hasbro Inc., donc, les mêmes propriétaires que plusieurs Monopoly. Bon, non, c'est ça, je pense que c'est Parker Brothers. Ouais. Mais il y en a plein d'autres. On dirait qu'on connaît plus les références des jeux de société que toutes les bandes dessinées de DC puis Marvel. T'sais, tout le monde me dit, tu sais, c'est quoi? C'est-tu Marvel, tel super-héros? Puis là, je fais comme, je suis dessus, je m'en sac. Ben ça, je pourrais plus facilement te le dire que les jeux de société à qui ils appartiennent. Eh boy. Je me sens ignorant tout d'un coup. Plexiglas, ensuite. Ben oui. Toujours dans la liste des produits, des noms de marques qu'on utilise de façon générique. Donc, Plexiglas, qui a débuté pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il fabriquait des trucs pour des avions. Chose comme ça. Depuis, c'est devenu connu pour leur genre de vitre acrylique plastique et leur polymethyl metacrylate. Donc, Plexiglas, c'est le nom de la compagnie. Styromousse, qu'on appelle en français styromousse, mais c'est en anglais styrofoam. Et oui, c'est un nom de marque. On pense tout le temps utiliser le mot styromousse de façon comme si c'est ça le nom du produit. C'est pour s'empêcher de dire qu'est-ce qu'on dirait sinon. On dit styromousse à la place du... Le styrofoam. Styrofoam, c'est ça, parce qu'on dit en français styromousse. Ah, c'est pas du polystyrène, c'est du ça? Du polystyrène, je pense que c'est exactement ça, oui. Donc, peu importe, c'est ça, d'où vous les connaissez, ces petits trucs, des fois c'est dans des emballages, des boîtes de produits qu'on achète sur Internet. Bref, du polystyrène, c'est le nom qu'on devrait utiliser. La marque est une marque de commerce de Dow Chemical Company. C'est fait en grosses feuilles. Ça te fait-tu gricher des dents? Non, j'aime ça. T'aimes ça? J'aime ça. Ah. Ouais. Donc, ça nous dit ici que la marque est une marque déposée de Dow Chemical Company qui est fabriquée en... pour les projets de construction, c'est jamais en forme d'assiette, de tasse ou de verre ou de trucs comme ça, nous dit-on. Bon, j'imagine que c'est d'autres compagnies qui doivent faire ça, alors que Dow Chemical doit faire juste des projets de construction. Ensuite... on vient avec les numéros 34, 35, 36. Le Frisbee, le Hula Hoop et le Slip and Slide. Ah, ben oui. Frisbee est une marque de Wamo. En 2010, Manly Toys Limited a défié Wham-O en cours, disant que les termes frisbee, hula hoop et slip and slide étaient déjà devenus assez génériques dans le langage commun du public. Mais ça n'a pas mené nulle part, cette histoire-là. Donc, voilà. Ensuite, un coupe-vent. Mais en anglais, windbreaker. Coupe-vent. Ah, OK. Avec coupe-vent, c'est la traduction littérale de... un nom de marque. C'est une marque de commerce. Ah ben, tabarouette. C'est un mot sous copyright pour un petit manteau fabriqué par Celebration Training Inc. Celebration Training Inc. Comment? Présentement, c'est en cours. En cours comme légalement pour... Ouais. Pas en cours de... De développement. Ouais. Non, c'est ça. Ensuite, PowerPoint. Là, je pense qu'on ambitionne un peu. Tout le monde sait ça. Le PowerPoint, c'est un produit d'Office, Microsoft Office. Non? Mais Kleenex aussi, tout le monde sait ça. Ben, c'est ça. T'as bien raison, c'est un bon point. Donc, sur leur site web, Microsoft suggère que, à moins d'utiliser leur logiciel PowerPoint, votre PowerPoint, comme vous l'appelez plutôt, un programme de présentation et de graphique. Bullshit! Voilà. Et Google, bien sûr. Hein? Voilà. Google est aussi dans le palmarès. Ouais, mais je veux dire, on l'utilise pourquoi? Ben, je vais googler ça. Ben oui, mais si tu le fais. Oui, mais si tu le fais sur Google, il n'y a pas de problème. Non, mais si tu le fais sur Bing. Mais qui va sur Bing? Tu vas le bigner! Regardons, il n'y a personne qui va sur Bing. Yahoo? Mon chum va sur Yahoo. Ah, oh boy! Hey, dans quelle époque il vit, lui? Il veut rien savoir de Google. Bien. Il aime ça aller sur Yahoo parce qu'il sort plein de vidéos. Tu sais, t'as une page d'accueil avec plein de contenu. Ouais. Je peux comprendre pour ça. Mais toutes les recherches que je fais sur Yahoo, ça me mène nulle part. J'avoue. Moi, j'ai envie d'arrêter d'utiliser Google juste parce que je suis tellement écœuré des gens qui parlent en bien de Google tout le temps comme si c'était les meilleurs sur Terre. Puis Android, c'est la meilleure affaire. Je suis allé les entendre parler. Je veux plus vous voir. Non, mais c'est quoi la meilleure option si c'est pas Google? Cherche pas. Trouve à la place. Je sais pas quoi faire. Google. Je vais commencer à bigner, je pense. Arc, non, non, voulez-vous je veux un petit beignet? OK. Oh, voilà. Ouais, Bing. C'est une blague de beignet. Je veux dire, sérieusement, si tu fais une recherche sur Bing, c'est parce que t'as un malware installé dans ton ordi puis qu'il te l'ouvre par inadvertance. Voyons donc. C'est surtout ça. Bref, voilà pour cette partie de son foutu palmarès. Moi, je suis comme frustrée, là, à cause de Bing. Moi aussi, je suis frustrée à cause des maudits Google Heads. donc, on va... j'ai rien, absolument rien contre vous, autre que juste... je te l'ai vous entendre parler. On va prendre une pause. Au retour, c'est le bloc pub. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait ça. On va parler de marketing tous ensemble. À son âge requis, plus tard, Alexandra Carignan, avec le temps d'une culture. Puis, en passant, David Ferron n'est pas là, mais il me l'avait dit, j'avais juste oublié. Fait que, c'est excusé. Honte à moi. Culture 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, ce sera le bloc pub. Mm-hmm. Pas, on s'en retourne pas un peu, mais on arrive de là. Non, non, ça va être un bloc pub commenté. C'est ça. Mais pour l'instant, on écoute Orange O'Clock avec Belly Button. Ça, c'est fou. Hey, c'est une bonne idée. Qui a choisi ça? C'est Stéphanie Paradis. Ah. Et son nombril. Belly Button. Tout autour de toi. Every day. She's drowning her stuff on the streets for money. Rope is tightening up and it's harder to breathe. Reckless, blind and juggling with fire, only aging. She's young but begs to be older. She's living high and drunk, rock and roll. Tequila, blankets and packs of Marlboros. Done it all. She ain't got tears to cry. She's exhausted and weak. Orange O'Clock, qui est la pièce Belly Button à Assemblage Requis, alors que Steph et moi, on parle de ce qui s'en vient dans les prochains jours à Assemblage Requis. De nombril. De nombril. Non, c'est pas ça. De nombril, non, on parle pas. Non, il y a deux chroniques culinaires cette semaine. Demain, ça va être une nouvelle chronique de moi. Puis mercredi, le retour de Master Steph. Culinaire, vraiment culinaire? Alimentaire. Non, mais là, on dit culinaire, c'est pas parce que c'est qualité. Qualité de mer. C'est pas ça. Tu écoutes bien les chroniques, je trouve. Je vais te suggérer de continuer d'écouter parce que voici le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime the Greenland. Je préfère le goût de Burger King. Oh, papi, papi, and I kiss you! 4$, 4,29$ la minute, adulte seulement. Oh oui, c'est le Black Pub. Bien sûr, ici, vous appelez maintenant, on vous en donne 30 de suite, parce qu'on a une demi-heure environ pour le faire. Donc, commençons avec, évidemment, c'est la chronique marketing, pas juste publicitaire, mais c'est marketing en général. Oui, oui, oui. Donc, à l'extérieur, dans la vie de tous les jours, des fois, on prend l'autobus et on peut être surpris par ce qui se passe autour de l'autobus. C'est les mendiants, entre autres. Quelqu'un qui te donne un journal. Mais s'il y avait une tornade qui passait devant, est-ce que tu aimerais ça? Probablement pas. Non. C'est ce qu'ils ont fait à Sydney, en fait, dans un panneau publicitaire à l'intérieur d'un abribus. Donc, tu te promènes comme ça, tu t'occupes de tes affaires et soudainement, l'éclair et les voitures se mettent à voler partout, tu sais. C'est seulement une publicité, hein, c'est de la réalité augmentée, en fait, par Grand Visual. C'est eux qui ont créé cette cascade-là à Sydney, en Australie, pour faire la promotion d'un film à désastre basé sur l'histoire de tornade qui s'appelle Into the Storm. Donc, on a remplacé un poster normal dans l'abribus par un grand écran de haute définition. Le moniteur à l'origine montre l'affiche en train de partir avec le vent et finalement ça devient une tornade. Si on regarde la petite vidéo, c'est bien cool, bien fun à voir. L'idée est bonne, ça rappelle un petit peu, on avait parlé dans une précédente chronique, le bloc pub, du même genre de choses qui se passaient avec, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le temps dans l'abribus, dans l'autre appart. Mais là, c'est pas un abribus. Excuse-moi? C'est juste une affiche. Ben c'est un genre de... OK, ouais, je pensais que c'était le côté d'un abribus, en effet, c'est pas mal juste un panneau. Ben moi aussi, je pensais que c'était ça, mais c'est juste un panneau publicitaire. C'est pas mal juste un panneau. Mais bref, ça reste cool. Dans l'abribus, c'est... je m'en souviens pas, ça fait trop longtemps. Mais c'était le même principe, pas mal le même principe. Dans le fond, tu fais le saut, là, parce qu'il y a quelque chose qui arrive, puis tu t'y attends pas vraiment. En effet, il n'y a pas d'abribus, là. Ensuite, une publicité pour de la nourriture pour chats. OK. C'est Temptations, avec leur nouveau petit biscuit pour chat. C'est la compagnie Mars Pet Care Brand, donc qui amène les Temptations Tumblers. C'est un dérivé des Temptations normaux, comme on les connaît, qui sont apparemment plus sphériques que les Temptations réguliers. Maintenant, on peut lancer, faire rebondir les bonbons de son rebondir. Chat. Rebondir sur le plancher comme un ballon de football. Ben, c'est justement ce qu'ils ont choisi d'illustrer, en tout cas d'amener pour illustrer, si on veut, dans leur publicité de 60 secondes, qui s'appelle Playball. Façon Nike, les chats bougent, ont l'air d'être des vedettes du basketball. Finalement, avec leur. En fait, il y a des vedettes de basketball dans la publicité en tant que telles. Et puis, ils jouent avec leurs chats et leurs nourriture. Oh, c'est très drôle! Dans la pub, t'as le joueur de basket qui fait tourner la petite gâterie sur son doigt comme un ballon. C'est très cool! Très réussi! Ensuite, des marques qui sont pas très heureuses d'être associées avec pourtant une bonne cause quand même. Tu sais, les déchets déposés par terre un peu partout, c'est pas le fun. On s'entend que ça devrait pas être fait. Publicis Canada, qui travaille avec l'Evergreen Initiative à Toronto, ils ont créé une campagne qui mettait en honte les gens qui déposent des projets par terre ou qui laissent tomber leurs produits par terre. Donc, un sac de chips Lay's, par exemple, était combiné avec un emballage de Crazy Glue pour pour faire le mot lazy, de lazy et de crazy loo. Un paquet de Reese's Pieces combiné avec une bouteille de Gatorade pour faire pig. Du Sweet and Low avec des Lifesavers pour faire low life. Donc, tous ces messages-là étaient signés avec la petite phrase en bas. Littering says a lot about you. Donc, laisser des déchets par terre en dit beaucoup à votre sujet. Donc, une très bonne campagne. Par contre, les marques ne voulaient pas être associées avec cette négativité. Hein? Mais c'est pas négatif. Ben, c'est ça, exactement. Il n'y a pas de problème avec le message qui disait simplement le fait qu'on a utilisé leur marque. Donc, au Globe and Mail, le directeur de la communication stratégique de la ville de Toronto a dit que c'était difficile, donc que ça avait à voir voilà, avec les marques de commerce et tout ça. C'est ce que les compagnies ont dit. Donc, la campagne a été retirée depuis. Ah, je trouve ça dommage. Oui. Ensuite, si vous tweetez un hashtag, on pourrait vous envoyer une paire de souliers par courrier recommandé. Hein? Donc, les New-Yorkais qui tweetent leur grandeur de souliers et leur adresse avec le hashtag ReebokHDS pourraient recevoir le Human Dispatch Service de la marque. Donc, l'équipe de coureurs va personnellement envoyer une paire de souliers Reebok, leur nouveau sneaker Z-Jet, aux gens à la maison ou au travail. C'est Venables Bell & Partners qui a construit cette cascade publicitaire-là. Le soulier a des canaux d'aération pour coussinage maximal qui envoient le coureur vers l'avant avec le pouvoir de l'air. Tu sais, on dirait de la grosse bullshit de marketing, comme on appelle, Jean. Mais apparemment que ça va vous aider à mieux courir, j'ai des doutes. Des gros doutes. Donc, vous pouvez aller voir la petite publicité vidéo de Reebok HDS sur assemblagerequis.com. Ah, c'est cool, j'en veux moi aussi. Mais moi aussi, c'est ça l'affaire. Tu sais, on en veut pareil, même si c'est de la grosse bullshit de marketing. Ensuite, de la publicité fromagée. Des fois, quand on parle de publicité fromagée, c'est juste cheesy. Hein? Donc, travaillant avec Castello Cheese, Duval Guillaume a pris toute la place dans le Grand Central Station, le très célèbre Grand Central Station, pendant deux jours avec un pop-up museum, c'est-à-dire un musée qui a été créé de toutes pièces juste pour être là temporairement, qui s'appelait Eat the Art. Donc, c'est un musée qui montrait des peintures classiques de nourriture avec du fromage. Okay? Donc, des peintures qui avaient à l'origine du fromage dedans. Mm-hmm. Et c'était accompagné de recréation. Donc, ils ont recréé ça dans la vraie vie, ces peintures-là. Bien sûr, les peintures qui avaient tout du fromage, donc on pouvait goûter. Il y avait des stations de goût. Donc, c'est facile d'arrêter, d'échantillonner le fromage en s'en allant au travail ou en revenant. Pour ceux qui voulaient pas un petit peu de collation pendant qu'ils étaient dans le train, mais il y avait des petites places pour le manger directement sur le terrain devant. Donc, pendant deux jours, 500 000 personnes sont passées devant et 40 000 personnes ont goûté au fromage. C'est cool. C'est une très bonne idée, ça. Ouais, c'est le fun. Plus convaincant qu'une petite madame qui dit « Voulez-vous goûter? » Puis là, qui commence à te vendre le produit pendant beaucoup trop longtemps. Puis là, tu le prends, puis là, tu le déposes à quelque part. C'est pas correct, ça. Ben non, mais c'est ce qu'on fait tous, hein? J'ai arrêté de le faire, j'ai arrêté de me mentir à moi-même. T'es tellement une bonne personne. Le photographe Greg Siegel, qui est fasciné par les déchets qu'on peut générer dans la vie. Au sujet de son projet, il explique que Seven Days of Garbage est une série de portraits d'amis, de voisins et d'autres connaissances avec les déchets qui vont accumuler dans une seule semaine. Donc, les sujets sont photographiés entourés de leurs poubelles, de leurs déchets. Donc, ça a l'air d'être un nid, on dirait, genre, ou quelque chose d'archéologique. Bien sûr, les gens peut-être jeté les vrais gros déchets. T'sais, parce qu'on voit toutes les marques, tous les produits, les boîtes de pizza, etc. Mais souvent, en tant que tel, les points de pizza qui restaient, aussi les trucs qui ont jeté les vrais déchets sales, eux ont tout non, été enlevés. Non, mais ils n'ont pas mis le restant de nourriture. En fait, ils étaient supposés le faire. OK. Il y en a qui l'ont fait dans certaines des photos, mais il y en a qui se sont édités eux-mêmes ou auto-censurés pour mettre seulement les emballages. C'est ce que l'artiste dit. OK. Ensuite, tiens, parlons de Coke un petit peu. Pour commencer, il y a plein de nouvelles sur Coke, évidemment. Là, pour commencer, juste pour dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le bloc pub, donc il y a des nouvelles qui datent un petit peu. Non, ça pourrait arriver. Ah, ben oui. Ça pourrait arriver. Donc, la compagnie qui distribue des bouteilles avec des prénoms dessus, je pense qu'on a tous vu ça depuis l'été. Mais il y a des affaires par rapport à ça. Par exemple, il y a des hacks de bouteilles. Donc, il y a des gens qui vont... c'est ça. Tu peux trouver ton nom dans différents magasins aux États-Unis. Donc, tu pourrais taper ton nom, comme ici, on voit que quelqu'un tape Alfred, et ça va dire dans quel... mais si ton nom est disponible au magasin, donc est-ce que ça vaut la peine de le chercher? Évidemment, c'est plus pour le côté anglophone ici, mais au moins, tu pourrais savoir que Stéphanie est disponible au magasin, ou encore qu'il ne l'est pas disponible. Donc, il y a des gens qui ont fait différentes sculptures avec ce site web-là. Ils ont cherché des prénoms pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir ensuite le poster, que ça devienne viral. Hein? Par exemple, il y en a qui ont pris... Attends un peu, j'essaie de trouver un exemple. Ici. Il y en avait qui avaient fait genre des personnages de films... toutes mises ensemble dans le magasin puis qui avaient posté ça sur Internet. Donc, il y en a qui ont vu qu'ils étaient pas capables de trouver leur nom. Hein, à la place, ils ont juste mis un gros morceau de tape sur leur bouteille. Un truc comme ça. Mm-hmm. Donc, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Le top 18 des noms que les gens veulent vraiment sur leur bouteille de Coke. Il y en a qui aimeraient qu'il y ait le nom Michaela, M-A-K-A-Y-L-A. Donc, des noms très, très populaires. Je sais pas comment on a déterminé ce palmarès-là, mais je trouvais ça intéressant de voir la liste des bouteilles de Coke à partager avec des noms qu'on n'a pas en magasin. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite, Coca-Cola qui arrange les caisses enregistreuses pour que ça joue leur petite chanson, leur petite musique. Donc, c'est du marketing très, très, très. Tout ce qu'il y a de plus classique. Coca-Cola qui a arrangé une caisse enregistreuse d'un marché, d'un supermarché brésilien pour jouer sa petite mélodie en 5 notes. Est-ce que tu te rappelles de la petite mélodie en 5 notes de Coca-Cola? Parce que moi, ça ne me dit absolument rien. Non. Est-ce qu'on va l'entendre? Je pense que c'est ce qu'on va faire parce qu'on veut savoir de quoi on parle. Donc, Coca-Cola et le Happy Beep, on écoute ça à l'instant. Ah, ben c'est même pas en anglais, fait que je peux pas vous lire ce qu'il y a à l'écran, mais quand même. Les gens sont dans un supermarché, arrivent à prendre une bouteille de Coke, il y a une bouteille de vin qui passe à la caisse. Donc, des yogourts. Oh, une canette. Ça s'en vient. Est-ce que ça dit quelque chose? Non, hein? C'est peut-être trop récent, peut-être? C'est trop gossant, ça, je le sais. Tu sais, si la personne vient acheter, genre, 6 canettes indépendamment, on va l'entendre souvent. Hein? Happy Beep. C'est le nom de la campagne publicitaire. Ouais, c'est assez, là. Ça va faire, hein? On dirait genre un vieux téléphone Nokia de... Je sais pas trop quelle décennie. Ouais, mais il plie pas! Très drôle. Ensuite, tiens, je sais pas trop. Celle-là, c'est bien ça. C'est un spec design, donc un design qui n'est pas vendu en magasin, mais d'une canette de Coca-Cola par Ryan Hark, sans couleur, avec un logo convexe imprimé directement dans l'aluminium. C'est donc bien beau! C'est joli, hein? Donc, ce serait plus eco-friendly que la peinture qu'on retrouve sur les canettes d'habitude. Ça réduirait aussi l'utilisation d'énergie et la pollution dans la production, dans le processus de la production et du recyclage. Et c'est super beau, en plus. Ça. C'est beau, c'est puré. Il devrait tout le temps faire ça. Vraiment. Moi, une édition spéciale au moins, là. Peut-être pour un anniversaire quelconque. Non, tout le temps. Tout le temps. C'est une canette dont de la couleur de l'aluminium normal et le logo vraiment est comme en emboss dessus. C'est cool. Ensuite, ça, pour les Québécois, je pense qu'on serait moins au courant, à moins qu'on me dise le contraire. Mais il y avait une boisson très populaire dans les années 90, une boisson aux agrumes qui s'appelait Surge. Et Amazon là, c'est pas Serge, là. Pas Serge, non. Surge. Et c'est de retour en stock. C'est par la compagnie Coca-Cola, encore une fois, mais seulement sur Amazon. Pour les fans de cette vieille boisson. Donc, on se fie sur le pouvoir de vente d'Amazon.com pour relancer cette boisson. Apparemment que ça a raison d'être, parce qu'ils ont même fait des études et tout ça. C'était discontinué en 2002, après avoir débuté en 1996. C'est une compétition à l'époque pour le Mountain Dew de Pepsi. Le Surge. Donc, absence de 12 ans, et Surge a quand même eu beaucoup... continue d'avoir des fans sur Internet à travers le temps. Il y avait une page Facebook, The Surge Movement, qui avait plus de 128 000 suiveurs sur Facebook. Quand même. Donc, journée importante pour Coca-Cola quand ils ont ramené Surge. Maintenant, il y a un restaurant qui va être le moins bien critiqué sur Yelp et les critiques sont quand même drôles. Donc, on vous offre 25% de rabais si vous mettez une critique une étoile. OK. Donc, c'est Botto Bistro, un restaurant italien à San Francisco, qui essaie d'avoir la pire cote sur Yelp, un site de recommandation de restaurants. Donc, dans la région de San Francisco, c'est là qu'ils essaient d'avoir la pire cote. Donc, ils offrent aux clients 25% de rabais sur leur critique à une seule étoile. Le propriétaire David Ceratini dit à SF Gate, un site web, que la promotion est le meilleur move que l'entreprise a fait depuis des années. Et... pourquoi pas? Donc, Serini dit que Yelp a appelé le restaurant 20 fois à l'intérieur d'une semaine pour lui demander de faire de la publicité sur leur site, parce que tu peux acheter de la publicité sur Yelp. Donc, il l'a fait. Ça a coûté 270$ pour 6 mois. Quand il a arrêté de faire de la pub, il dit que les critiques sont devenues négatives et qu'une de ses meilleures critiques était même disparue. Donc, selon la Ninth Circuit Court of Appeals à San Francisco, c'est quelque chose que Yelp a légalement le droit de faire. a légalement le droit de faire. Donc, Sirotini a trouvé ce plan-là à une seule étoile, à côté d'une pancarte qui expliquait combien il chargeait pour de la sauce marinara, donc 3$ pour un petit peu, 4$ si tu veux de l'encore meilleur ou genre que ça sente plus, quelque chose comme ça. If you want some to smell, si t'en veux à sentir, voilà. Donc, Boto Bistro liste les différentes offenses, et donc il charge pour du pain, et puis des affaires comme ça. Donc, sur la pancarte, on voit... Donc, sauce marinara, un à côté 3$, une tasse 3$, un tout petit peu 3$, un extra 3$, à tremper 3$, etc. C'est-à-dire, on n'a pas de glace, on n'a pas de beurre, on n'a pas de citron, on n'a pas de vinaigrette ranch, on ne change pas la chaîne sur la télé, on charge pour le pain. Détestez-nous sur Yelp et vous allez avoir 25% sur n'importe quelle pizza. 25% de rabais. Voilà. Tu devrais lire le premier commentaire. Mon expérience dans ce restaurant-là dure environ 2 secondes. Je suis entré, je leur ai demandé s'ils avaient des boules de viande et le serveur m'a fait un petit genre de sourire en coin et a crié « You can meet these balls! »« You can meet these balls! » Donc, on s'entend que c'est un jeu de mots de testicules ici. Puis il a flippé la table dans leur face. Imagine là, la scène, tu sais, je veux dire, tu sais que c'est pas vrai. Là. Je trouve ça très, très drôle. Très bien fait. Ensuite, on téléporte les gens à Hawaï et à Londres. C'est une compagnie d'hôtels Marriott qui utilise Oculus Rift. C'est la réalité alternative, la réalité augmentée avec des lunettes. Mm-hmm. Donc, l'hôtel qui amène les gens en réalité virtuelle à plein d'endroits dans le monde. Donc, Marriott Hotels, c'est leur campagne qui s'appelle Travel Brilliantly, qui essaie de connecter avec les voyageurs de nouvelle génération. Donc, la chaîne donc vous amène dans plusieurs endroits. Vous portez un casque sur la tête. Vous entrez dans un genre de ce qu'on appelle un téléporteur. C'est un peu comme une cage de téléphone public, là, genre une boîte, là, si on veut. Donc, ils étaient amenés à Hawaï, par exemple, au sommet d'une grande tour à Londres. Ils se sont arrangés avec la compagnie, le studio créatif Framestore et l'agence Relevant pour créer des vidéos et des photos en 3D, 360 degrés, et mélanger avec des images créées par ordinateur et des éléments comme de la brume, du vent, des trucs comme ça. Donc, le téléporteur a débuté une tournée à San Francisco, à New York, pardon, et va voyager dans 8 villes différentes. Ça va aller jusqu'à San Francisco au mois de novembre, voilà. Ça, c'est une vraiment bonne idée. Ouais, je sais pas. Ça te donne envie d'acheter un voyage après ça, c'est sûr que ça te vend le produit pas mal. Ouais, c'est pas mal mieux que des photos sur un petit dépliant. Ensuite, un coup d'éclat aérien pour KLM. Le transporteur aérien a permis aux passants de prendre les rênes l'espace d'un moment d'un avion dans un coup d'éclat signé bleu, blanc, rouge. Les volontaires étaient invités à se glisser dans la peau d'un commandant de bord puis à actionner la manette des gaz reliée à un immense panneau d'un avion KLM installé dans le Vieux-Montréal afin de faire surgir un jet, imitant la traînée de condensation d'un avion dans le ciel. Parmi les participants, 30 personnes qui ont pu réussir à déclencher le mécanisme qui était donc ensuite invité à un deuxième essai pour provoquer une nouvelle traînée blanche. Le pilote en herbe ayant fait décoller l'avion de nouveau a remporté 2 billets de KLM vers la destination européenne de son choix. Oh! Cool. Très cool. Ensuite, ça c'est plus récent quand même, c'est une nouvelle campagne publicitaire de Tim Hortons qui a transformé une maison unifamiliale de Calgary en succursale de sa célèbre chaîne. T'as entendu parler de ça? Non! Mais oui, un garage, tout est chose! Tout est chose! L'entreprise a 1800 postes à pourvoir en Alberta, dont 280 à Calgary. Elle a donc lancé l'initiative Times Next Door pour faire connaître ses offres d'emploi. Un auvent, une enseigne en néon, un comptoir et des tables ont entre autres été installés pour créer l'illusion. Cette fausse succursale était fonctionnelle, ayant servi du café et de la nourriture aux voisins surpris. La maison va retrouver sa vocation résidentielle dès le 24 septembre, donc c'est déjà fait. Après quelques heures d'activité, les utilisateurs ont partagé les images du concept sous le mot « Click Tim's Next Door ». C'est super marketing. Le bureau d'une agence publicitaire qui disparaît lorsqu'on n'est pas sur les heures de bureau pour ne pas travailler tard, pour pas que les employés travaillent tard. Okay. Donc, c'est les employés d'un studio de design à Amsterdam, Eldor Groen, qui vont pas pouvoir faire d'overtime, d'heures surnuméraires, etc. Alors, en tout cas, pas au bureau. C'est parce que chaque jour à 18h, leur bureau, leur table et les autres surfaces de travail, avec leurs ordinateurs attachés après, sont emmenés dans le plafond par des câbles d'acier. Qui sont utilisés d'habitude pour transporter des accessoires. Reste pas assis, hein? Tu te ramasses dans le plafond. D'habitude, utilisés pour des accessoires théâtraux. Donc, si tu laisses ton sandwich ou n'importe quoi, ta boîte à lunch chez le bureau après les heures de bureau, désolé, mais tu les prendras demain. Une fois que les chaises et les autres... T'as glu, Mathieu! Ma glu, hein? Non, ma glu, mais au moins que personne ne la volerait. Parce qu'elle serait dans le plafond au lieu d'être sur mon bureau. Donc, une fois que tout est enlevé, l'espace est libre pour le soir et la fin de semaine. On utilise ça comme un plancher de danse, comme studio de yoga ou à peu près n'importe quoi d'autre. Donc, le plancher est à vous. dit le directeur créatif Sander Van Der Nadal. Donc, c'est un concept de Bright Green. Sander Van Der Nadal. Ça doit coûter vraiment cher à installer. Et quand on est avec les câbles d'acier et tout ça, mais tu sais, ouais, oui, en effet. Mais c'est cool. Mais c'est des affaires de théâtre. J'imagine que si tu peux laisser pour un théâtre, c'est un bon investissement pour un bureau aussi. C'est... Et t'as pas à payer d'overtime. Donc. Mais je sais pas comment... Je sais pas que ouais, tu peux faire travailler plus tard sans payer d'overtime. C'est genre? Je sais pas comment c'est arrangé pour l'électricité. Ouais. Parce que t'as quand même des Macs là, ouais, sur les bureaux. Ouais. Là. J'imagine que ça doit passer des... Je sais pas, je comprends rien. Faudrait pas que tu laisses ton iPhone là, il va plier. publicité imprimée pour Nescafé maintenant avec des tasses à café en carton pop-up pour deux personnes pour pouvoir vous brûler... En tout allègrement. Temps, allègrement avec du Nescafé. Donc, le journal du matin, hein, tu t'installes dans le train, peut-être sur un banc de parc pour savourer les nouvelles du jour. Ah, mais il te manque ta tasse de café. Ah oui, ça n'a pas de bon sens. Ton petit moment de solitude mérite un café. Donc, les gens chez Nescafé France disent que lire le journal est une activité plutôt solitaire. Et comme cure à cette isolation-là, ils ont inventé un emballage de journal qui vient avec des tasses de carton, apparemment avec de la poudre de café à l'intérieur. Donc, okay, si t'es proche d'eau chaude, tout ce que t'as à faire, c'est la verser dedans et ton café va être prêt pour toi. Fait que c'est du café instant. C'est du Nescafé. Même du café point instant Nescafé, c'est moyen. Fait qu'imagine du instantané. C'est deux tasses, une pour toi et une pour la personne avec qui tu vas partager ton journal métro. On voit dans la petite vidéo les acteurs très, très convaincants utiliser ces publicités-là comme tasse, remplissant ça de liquide de brûlant. Mm-hmm. Uh-huh. Et amenant ça à leur bouche. Donc, c'est un emballage de journal. Donc, c'est un morceau de cool, carton. C'est super cool. Ça doit coûter le carton, par exemple. Ben, un peu comme le vrai Nescafé, finalement, non? Pas mal ça. On y va avec dans le domaine des couvertures. Encore une fois, c'était mon ordinateur qui jouait de la musique. C'était juste mon ordinateur. J'avais pas fait mute. Donc, c'est le numéro de jeans de Mary Claire qui se dézippe pour révéler la couverture. Hein? Donc, guess comment dit le numéro du mois d'août. Ça commence à dater, celui-là aussi. Donc, pour une couverture spéciale pour son numéro de jeans. Donc, le numéro d'août qui arrive chez les personnes qui sont inscrites à ce journal-là, avec une couverture additionnelle par-dessus qu'on doit dézipper en tirant sur une bande perforée, un peu comme un produit avec des pointillés. Donc, tu tires dessus et c'est perforé, ça se défait. Donc, c'est ça, il y a plein de logos, évidemment, pour guess à l'intérieur du magazine. C'est bien sûr, ça a coûté à la marque quelque part dans les 6 chiffres pour faire cette couverture donc additionnelle. Moi, je trouve que c'est vraiment un investissement poche. Parce que ça, tu l'ouvres, puis 5 minutes après, t'as oublié qu'il y avait ça, puis ça n'a aucun impact. Là. Tout à fait. Le mois d'août, qui apparemment, traditionnellement, est un mois très lent pour les magazines de mode, surtout parce que leur numéro de septembre est le plus populaire. C'est ce qui attire toutes les pubs. Tu sais, c'est les gros numéros, genre double, ouais, avec un million de pages. Donc, on essaie de faire une petite expérience de plus. Pour tirer profit de l'imprimé. Ouais. Voilà. Il y avait aussi une couverture au mois de mai qui avait une couverture origami avec 5 visages de vedettes, apparemment. Oh. Origami. On va terminer, tiens, avec Nike qui envoie des souliers super flexibles dans une petite boîte à souliers du tiers de la grandeur régulière de boîte, okay, de souliers. Donc, c'est un petit emballage de Nike. Donc, c'est des Nike Free 5.0. C'est une des paires de souliers où il est plus flexible à vie. C'est clair juste en regardant la boîte qui est le tiers de la grosseur normale. Et comme on voit dans la vidéo sur assemblagerequis.com, les souliers se déplient ou se plient pour être remis à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est on cool, utilise, ouais, on utilise moins de carton. C'est moins cher à envoyer par la poste, bien sûr. Ça communique l'avantage du produit directement dans l'emballage. Et ça force, comme on dit dans le marketing, à think et outside the box. Donc, penser plus loin que la boîte, genre, si on veut. Donc, c'était juste un outil promotionnel pour le lancement. Ça n'a pas été utilisé dans le grand public, mais quand même, l'idée est très bonne. Mais c'est un peu bizarre, tu sais, dans la vidéo, tu vois le gars qui coupe la boîte. Puis, c'est-tu vraiment nécessaire? Ben non! Ça résume le marketing en général. C'est vraiment nécessaire? Non. Est-ce que ça se fait? OK. Ouais. Ouais, allons-y. Y a ça. Voilà pour la chronique Le Bloc Pub qu'on fait une fois de temps en temps quand ça nous adonne un petit peu plus depuis. Je pense que là, on va recommencer à en faire. Il y en a encore un paquet dans le backstore. Ce sera le fun, ouais. Voilà, on aime ça. Juste pour l'intro avec Marineland. En effet. Génial. On prend une pause au retour. C'est Alexandra Carignan et sa chronique La boîte à musique d'Alex. Ah. Restez là.

C'était Uchi Kuchi de Band of Skulls, qui était l'extrait, en fait, un extrait de leur dernier album, Himalayan, qui est sorti en mars dernier. Trop bon. Alors, vous voyez, c'était très, beaucoup plus rythmé que Dead by Diamonds and Pearl ou The Devil Takes Care of His Own. Donc, quand même très, très rythmé, mais toujours la même dynamique, goffy, quand même lourd, mais très énergique. Tellement plein de... Quelqu'un qui écoutait pas vraiment, il faisait comme « Ah, ça sonnait vrai en arrière-plan, ça. » C'est ça. Si t'adores le détail, c'est quand même... Okay. Donc, Band of Skulls, qu'on découvrait, ben, qu'on découvrait, on découvrait pas nécessairement pour tout le monde, mais on en apprenait plus au sujet de... Oui, que c'est ça, de. Alors, c'était ma découverte de la journée. Un peu plus masculine que les dernières, hein, parce que j'avais beaucoup de filles que je présentais. Alors là, je viens de... C'est ça. Je viens de remettre en ordre là, l'équité des sexes dans ma chronique. L'équilibrium. Sinon, si vous ne faites rien, s'assouir, c'est la l'huître. Donc, ce sont les rouges qui rencontrent les verts. Ça, c'est ma séquence culturelle quoi faire cette semaine. Mmh. Alors, oui, les rouges qui vont affronter les verts. Spécial animés Noël. Par, J'imagine. Animé par toi, Mathieu. Oui, et des blagues plates de même tout le long. Tout le long, ça va être... vraiment le fun. Mais tu pas toi. Tu vas pas placer ce gag-là? Spécial Noël? Je vais placer le gag de Spécial Noël, ouais, probablement, ouais. Bon, c'est sûr. Ça n'a pas le choix. Mais Alex, tu vas être dans le public, c'est ça? Non. Pas là du tout? Non. Chez non, vous? Non, parce que justement, c'est l'idée d'être de aux deux faire semaines, aux deux semaines, c'est d'avoir un lundi congé. T'as bien raison là-dessus. Alors, oui, non, je ne serai pas là, mais vous allez être là. Alors, c'est gratuit à la Chasse-Galerie dès 20h. Il y a plein de choses à faire tirer, puis un bon match à regarder. Yay! Yeah. Sinon, demain soir, si vous voulez faire un petit peu de route et de boire de la bonne bière, pas eh bien... en même temps. Non. Entre les cuisses? Non. Une après l'autre. Un décantage, puis après, tu peux faire la route pour revenir. Décantage des cuisses. Décantage de cuisses. Ouais, faire décanter les cuisses. C'est mon expression connue. Ah oui, très connue. Alors, je connais pas ça. Alors, en fait, il y a le mythe de Shawinigan qui reçoit la lime mauricienne. Donc, la quoi du quoi dans quoi? Les mythes, qui est de l'improvisation, donc les mythes du trou du diable. Okay. Qui reçoivent la Ligue mauricienne, donc la Ligue d'improvisation mauricienne. Ça se passe au Salon de la Wabasso. OK. Qui est c'est où ça? De, c'est au Salon de la Wabasso. C'est? C'est l'espèce de nouvelle petite salle de spectacle du Trou du Diable. Oh! Wow! Ouais, alors ça se passe mardi soir... Et là, Schnauenigan. Tu disais qu'ils affrontent la lime mauricienne. Mauricienne. Qui n'a pas encore joué de match en tant que tel. Les équipes viennent d'être révélées. Les équipes viennent d'être dévoilées. Et c'est un peu une espèce de match amical entre les deux. Là. Mmh. Le premier match de la lime mauricienne va être la semaine prochaine. Ça va être le showcase où est-ce que toutes les équipes vont jouer. Génial, on va en reparler lundi prochain, bien sûr. Oui, bien évidemment qu'on va en parler lundi prochain. Voyons. Franchement. Voyons. Pour qui nous prends-tu, oui. Pour qui nous prends-tu? Alors, c'est tout. C'est tout. Merci, Alex. Ben, ça me fait tout plaisir. On te retrouve tout lundi prochain, à 9h. Oui. Sur Assemblage Ricky. Oui. Tu restes avec nous un peu? Oui. Parce que... oui. En fait, ça ne servirait pas à grand-chose de passer. L'émission finit dans 10 minutes. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Tantôt, on était dans son foutu palmarès, d'où la musique qui part maintenant. On faisait des listes. Et là, je me suis dit, on va terminer l'émission avec une autre liste à la place de musique, parce qu'on a joué pas mal de musique aujourd'hui. Alors, oui. On va faire ce qu'on voulait faire tantôt, c'est la petite liste des drinks de café qu'on peut acheter maintenant, ou encore qu'on peut se faire dans les restaurants connus. Hein? Petit mélange entre différentes affaires, ça a l'air le fun, je trouve. Moi, ça va nous ouvrir l'appétit. Oui, tout à fait. Donc, c'est des mélanges de confections caféinées. Hein? Commençons par le Guinness Flavored Latte. Un latte à saveur de bière Guinness. Il y en a dedans, là. Ben, il y en a dedans. Oubliez les pumpkin spice citrouillés. Est-ce que c'est à saveur d'eux ou avec? Lisons un peu. Dans le fond, c'est chez Starbucks. Il sait pas. Non, j'ai pas lu l'article, ça paraît. Donc, chez Starbucks, on amène les choses au prochain niveau avec le Dark Barrel Latte qui imite le goût d'une Guinness sans l'alcool. Une chose que j'ai pas répondu parce que sinon j'aurais sûrement dit le contraire. Donc, la chaîne a récemment commencé à tester ce nouveau breuvage dans certains de leurs restaurants sélectionnés. Donc, on va devoir attendre pour voir si ça vient sur le menu Starbucks officiel. Présentement, c'est dans certains Starbucks de la Floride et de l'Ohio. Ça pourrait donc aller au pays partout. C'est le Dark Barrel Latte. Pas quelque chose qui m'attire, je te dirais. Moi, je trouve ça l'air bon. Vraiment, la bière noire, j'aime pas l'habitude, mais j'en ai goûté récemment puis j'ai bien aimé. Certaines sortes. Donc, la Guinness, je sais pas. Pas sûr, la Guinness. Pas au café. Oui, ben c'est bon, la Guinness. C'est bon, la Guinness? Oui. Non. Ouais, mais pas mélanger avec du café. Bah. Bah. Bah, ensuite, du café au caca d'éléphant. Ben là. Moi, je prends la Guinness, finalement. C'est ça. C'est le café le plus cher au monde, le Black Ivory Coffee, qui est fait de grains arabica de Thaïlande, qui passe, pour commencer, à travers le système digestif de l'éléphant. Mmh. Hein? Et ensuite, bon, on récolte tout ça. Le processus fait sortir le sucre naturel du grain, tout en enlevant le côté plus amer. Et ça donne une tasse absolument délicieuse de café. Donc, c'est servi dans les hôtels 5 étoiles de l'Asie. Et seulement une seule place aux États-Unis, c'est dans le Texas. On peut acheter les grains en ligne pour $779 avec un grinder inclus. Et tabarouette! Ou 664 sans grinder. Donc, il vaut 100$ le grinder. Fait que profitez bien de votre grinder. Sinon, au musée Borealis, ils ont du papier fait en caca d'éléphant. Ah, c'est magique! Ah, c'est oui? Comme oui, filtre pour le café. Puis, Ben oui, c'est ça. Ça va faire. Ça? C'est la crème de la crème. Génial! Ensuite, du café dans des petits trucs gaufrés mangeables. Oh! Ouais, dans ce genre de cup de gaufres. Donc, tout le monde sait que la meilleure façon de consommer de la soupe, c'est dans un bol de pain. Ça, je pense qu'on sait ça. Ben oui. Dans un bol de pain. Quand tu finis la soupe, tu manges le contenant et il n'y a rien de mieux que ça. Un café en Californie applique le concept à des breuvages. Donc, les clients peuvent commander un espresso, un macchiato. Il y en a qui disent macchiato, il y en a qui disent macchiato, il y en a qui disent macchiato. Macchiato. Macchiato, ben, c'est les gens normaux, tu sais. Disent correctement. Donc, dans un verre en gaufre, c'est triplement trempé dans le chocolat. Ouais, trois fois plutôt qu'une. Ben, j'imagine qu'il laisse sécher la première fois, qu'il retrempe. Ben oui. Ben, sinon, j'avoue que c'est juste le tremper et ça charge absolument rien. Donc, quand tu as fini de boire ton café, tu peux donc manger ta collation. Oui, parce que l'inverse, ça serait pas super pratique. Non, mais ça, vous faites ce que vous voulez. On n'est pas là pour vous juger. C'est Alfred. Oui, on est là pour vous juger. C'est pas mal tout ce qu'on fait. Donc, c'est chez Alfred Coffee and Kitchen à Los Angeles. Ça vaut la peine d'y aller. Ben oui, puis vous pouvez le faire vous-même. Ça, là, c'est facile à répéter. Hein. C'est pas comme le caca d'éléphant. Puis l'autre, je m'excuse, là. Tu vas te faire une gaufre, toi, de même, en forme de. Tu vas acheter des gaufres en forme de verre, là, peu importe. Tu vas le tremper toi-même dans le chocolat. Ça, tu peux faire ça. Tu vas faire fondre du chocolat au bain-marie, moi, tu vas tremper non. Tes... Ben, c'est ça. Mais tu vas... Non, mais tu vas prendre... Non, mais non, pas okay, moi. OK, mais... tu veux que je te le fasse. C'est ça, je veux que tu me le fasses et que tu l'amènes mercredi à Master Staff. Ça, je veux dire, ça. Non, mais il y a du... Il y a des trucs pré-trempés dans du chocolat, c'est juste que c'est pas la même chose, c'est pas aussi bon. Ben, c'est sûr. Bref, l'affogato, c'est le prochain. Donc, crème glacée au gelato, hein, avec un petit peu d'espresso chaud, un shooter d'espresso chaud, c'est tout. Donc, c'est ce qu'on fait. Crème glacée ou gelato, un shooter d'espresso chaud. C'est fait. C'est dans plusieurs restaurants italiens, plusieurs cafés aussi qui vont faire cette boisson-là pour vous. Vous pouvez aussi la faire à la maison. Il y a une recette sur assemblagerequis.com. C'est parfait, ça. Le Coffee Van Brunt. Concoction décadente, alcoolisée, servie dans le Fort Defiance de Brooklyn avec du rhum vieilli, du, je sais pas ce que c'est, mais du cherry herring, du café et de la crème. Donc, ça a l'air bon. Ça a l'air fabuleux. Le Time Out New York a dit que c'était une couche de crème blanche ivoire, du café brun brûlé ou en tout cas un petit peu plus noirci et du zeste d'orange brillant qui font de ce drink, de cette boisson, quelque chose d'aussi joli que bon au goût. Miam. Donc, on achète ça chez Fort Defiance à Brooklyn, New York, où on en fait à la maison via la recette sur assemblagerequis.com. Je suis pas pratique d'avoir... C'est tellement pratique tellement. Que j'ai posté ça. C'est parfait. C'est moi puis Time.com est tellement proche que je leur ai dit, mets la recette. Mets la recette sur assemblagerequis.com. Une confection maintenant qui s'appelle le Vincent Vega. Donc, c'est un Coca-Cola avec un petit peu de caféine dedans. Donc, c'est nommé en honneur de John Travolta, son personnage dans Pulp Fiction, donc qui se commandait, c'est très célèbre apparemment, un Vanilla Coke avec son steak. pourquoi le Coke Vanille, ça n'existe plus? Ah, je sais pas, je me le demande à tous les jours, en fait, oui. Chaque matin, tu te réveilles. Souvent. C'était bon, c'était à peu près le seul Coke que j'aimais. Ouais. En fait, c'est le seul Coke que j'aimais. Ça, puis le Coke Cerise aussi, non? Non, t'aimes pas le Coke Cerise? Dr. Pepper All the Way. C'est vrai, ça, c'est similaire quand même un petit peu. Mais pas la même chose. Non, Dr. Pepper. Je te crois, Steph, sur parole. Ah, donc, c'est le Vincent Vega, comme on disait. Donc, c'est une boisson disponible chez The Machine à San Francisco qui inclut du Coca-Cola, un shooter d'espresso, du sirop de vanille servi sur glace. Il y a 3 The Machine à San Francisco, si ça vous intéresse. On se dépêche. Le Coffee Beer Repeat, si vous n'êtes pas capable de décider si vous voulez prendre un petit peu de bière, un petit peu de café, chez Houndstooth, un café du centre-ville de Austin. Pas besoin de prendre cette décision-là. On commande le Coffee Beer Repeat. C'est un drink, considéré comme un drink, mais c'est 2 pintes de bière et 2 shooters d'espresso, tout ça servi séparément. Et tu les prends dans l'ordre que tu veux, tu les espaces comme ça te tente. C'est un peu bizarre. C'est à Austin, au Texas. Vous pouvez le faire vous-même facilement à la maison. Je vous dis l'article. Merci, time.com. Mais je me dis qu'il y a un public pour ça s'ils l'ont fait. C'est ça, t'sais. Mais wow, on peut le faire à la maison. Incroyable. Et finalement, le Toasted Marshmallow Latte, c'est comme un feu de camp dans une tasse. Donc, une concoction avec espresso, lait à vapeur et des guimauves rôties. Si on veut griller, pas mal ça. Sur bâton. Hein? Avec un vrai bâton. Dans la guimauve et avec un bâton dans le verre. C'était quasiment en clair. Ouais. Donc, c'est chez Big Shoulders Coffee à Chicago. Ça aussi, on peut le faire à la maison, étrangement. Merci, time.com. voilà pour la liste des cafés bizarres. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui, Steph. On se dépêche, mais c'est fini. On doit faire de la place pour les gars de Génie en Liberté. Non, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout pour aujourd'hui? Non! Mais... on se retrouve demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Exactement. Je ne te contredirai pas. Ben non. Demain, à l'émission, on a Sébastien F. Gertin, sa chronique sur les actualités, sur son éditorial, finalement. Mm-hmm. Ensuite, on a aussi Myriam Lortie et le tour du journal Zone Campus. Ça, c'est dans l'émission de demain. Soyez-y à 6h30. Restez là pour le dîner de con avec Danny Janvier à 11h. Et puis, plus tard, sur nos ondes, bien sûr, à 13h, une nouvelle émission. Non, ça commence le 6 octobre, je dirais pas tout de suite. Je saute à 16h, précieuse ridicule, 17h, à livre ouvert. 18h, palmarès du monde en direct avec David Ferron, 19h, voyage insolite, 20h, rock de neurones. On se quitte avec une chanson de Propofol. Commando. À demain, Steph. T'es-tu commando? Pas en ce moment. Alexandra, tu commandes? Oh no! Au contraire! J'ai 3 paires de bobettes! À demain. Bye! Bye!